Kanyang. Nous sommes mardi 2 mars. Bonjour madame, bonjour messieurs. Voici les grands titres de cette édition. Les administrateurs communaux dans le viseur du président de la République du Burundi quant à la collecte des taxes communales. Il s'est exprimé dimanche 28 février en commune Buraza de la province Gitega lors de la célébration de la victoire du parti au pouvoir lors des élections de l'année passée. Dans cette édition, on parlera d'un trafic de points à l'Université International University of Equator en mairie de Bujumbura. Et la chronique santé de ce mardi, le docteur Théophile Nahomagaze, chirurgien viscéral, nous parlera des examens à faire quand on souffre de l'occlusion intestinale. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimane. Oh bonjour. L'amélioration de la coopération bilatérale entre le Burundi et les États-Unis d'Amérique est la priorité de Mélanie Huggins, nouvelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burundi, annonçant ce qui est ressorti de l'entretien ce mardi entre le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye et la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Burundi. Evelyne Butoyich, porte-parole du chef de l'État, a indiqué que les deux personnalités se sont convenues de travailler en franche collaboration pour l'intérêt général des Burundais et des Américains. Et sur 116 hôpitaux communaux qui vont être construits en vue de lutter contre la COVID-19, 37 sont en cours de construction et la fin des travaux est attendue dans 2 mois. Réponse du ministre ayant en charge les infrastructures, c'était vendredi lors des questions orales à la Chambre haute du Parlement burundais. Et pour rappel, le lancement officiel des travaux de construction des hôpitaux communaux par le président de la République du Burundi a été fait à Kagwema, commune Gihanga de la province Bubanza, en octobre l'an dernier, en compagnie des ministres de la Santé et des Infrastructures. Rappelons également que lors de l'évaluation de la campagne de dépistage de masse à 3 centres de la mairie de Bujumbura ainsi que l'intérieur du pays, le numéro 1 burundais a souligné que le coût des hôpitaux communaux est estimé à près de 80 milliards de francs burundais. Et le programme Mirankabandi s'achève en 2022. Certains bénéficiaires de ce programme des 4 communes de la province Gitega, qui sont à plus de 13 000, se disent être satisfaits du pas qu'ils ont déjà franchi en matière de développement. Et ils se sont exprimés et le cabinet du gouverneur de la province Gitega se dit également satisfait car ses bénéficiaires disent avoir pu recevoir des enseignements post-projet. Le point avec Arthur Kavabushi. Ceux qui ont bénéficié du projet Mirankabandi dans la province Gitega sont satisfaits du pas déjà franchi. Nizigimana Janine de la commune Buraza indique que les relations avec son mari s'étaient détériorées. Moi vraiment, j'étais en difficulté avant Mirankabandi. Mon mari était alcoolique, je ne pouvais rien lui demander. Il me frappait et volait ce que j'avais. Il ne cultivait pas, il ne m'achetait même pas de pagne. Je quémandais. J'ai été enceinte, je suis allée à l'hôpital et il n'est pas venu me voir. Il ne faisait que me frapper. Son mari Bizimana Fugence ne le nie pas et affirme avoir changé grâce aux enseignements de l'ODAG Caritas. Ça m'est beaucoup arrivé, mais j'ai pu changer car l'association Mirankabandi nous a aidés en nous envoyant les enseignements de Caritas ODAG qui nous ont conseillé de façon qu'en rentrant, je disais que je changeais. Le chef de cabinet du gouverneur de Gitega, Gérard Nibigira, dit qu'ils ont mis en place un organe chargé de former les bénéficiaires de cet argent. Le programme a pensé que même si on les appuie financièrement, est suffisant. Nous pensons de créer un autre organe pour qu'ils aient des enseignements, les aidant à préparer de petits projets suivant les moyens qu'ils ont eus. Ils ont alors cherché des associations qu'ils ont mis en compétition pour avoir celle qui est capable d'aider ceux-là qui sont vulnérables afin qu'ils élaborent leurs projets. C'est le DAG Caritas qui a été choisi et nous sommes satisfaits du travail car avant, ceux qui recevaient cet argent, ils allaient dans des bistrots et dans d'autres ambiances. Ce chef de cabinet se dit satisfait car les bénéficiaires ont compris comment utiliser les moyens qu'ils ont eus. Ce programme Merangamandi va s'achever en 2022 et a travaillé dans les communes de Gitega, Buraza, Itaba et Bugendana sur 60 collines où 13 787 personnes ont été appuyées. Depuis Gitega, Artur Kavabushi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, met en garde les administrateurs qui feront entrer moins de recettes issues des taxes communales élevées par rapport à la semaine lors de la semaine témoin par rapport aux recettes antérieures. Il s'est exprimé dimanche 28 février à Buraza en province Gitega. Selon le numéro 1 burundais, certaines taxes ne rentrent pas dans le trésor public et a rappelé que ces taxes contribuent dans la construction des routes. Et certains des retraités de la société de gardiennage ASEC demandent la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse qui n'ont pas pu être versées à l'INSS. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro indiquent qu'ils ont reçu des lettres, mais que la direction leur a mis en attente tout en restant au travail. Contacté à ce sujet, le directeur de la société de gardiennage ASEC, la personne de Juste Abel Ndikumasabo, nous a fait savoir que cette question est en cours de traitement. Lancement, certains bénéficiaires des services médicaux du centre médico-chirurgical de Giza en mairie de Bujumbura apprécient les activités organisées dans le cadre de la célébration de la journée de la femme. Et le directeur général de ce centre dit que cela s'inscrit dans le cadre de soutien aux femmes, surtout les plus démunies. Et en page éducation, un agent des examens à l'Université International University of Equator dénonce ce qu'il appelle le trafic des points à cette institution universitaire. Emily Ndaïze dit avoir ipso facto démissionné à ses fonctions, expliquant qu'il a soumis cette question aux autorités de cette université, mais en vain, bien que malgré qu'il a été à maintes reprises s'exprimant, s'entretenant avec la radio Isanganiro pour réaction. Isaac Maragia, représentant légal de cet établissement universitaire, il ne s'est pas encore exprimé. Après une courte pause, mais avant la chronique santé, voyons ce qui se passe à l'extérieur du pays avec ces brèves en international. Eh bien, c'est une première en France. Un ancien président de la République condamné à la prison ferme, c'était hier 1er mars. Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Une peine lourde, écrit le site web de Radio France Internationale. Une peine lourde, je vous le disais, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Une condamnation dont a immédiatement fait appel l'ancien chef de l'État français en la personne de Nicolas Sarkozy. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi à 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro. Différents examens dont le scanner et la radio rayon X sont faits pour confirmer la maladie de l'occlusion intestinale. Docteur Théophile Naumagazé, chirurgien viscéral, précise qu'après confirmation de la maladie, l'un des traitements est de corriger la déshydratation hydroélectrolyte. Cette maladie peut être curable ou incurable selon le stade de la maladie. Les détails de cette chronique santé avec Onela Mucho. À part les symptômes, différents examens doivent être faits pour confirmer le diagnostic. Docteur Théophile Naumagadze, chirurgien viscéral, précise qu'on fait les examens sérologiques et biologiques pour tester la gravité de la maladie. On peut faire ce qu'on appelle l'ASP, c'est l'abdomen sans préparation. Cet examen va mettre en évidence les niveaux liquides hydroaériques témoin de la distension gazeuse et liquidienne. On peut aussi faire le scanner qui va confirmer le diagnostic en objectivant le niveau hydroaérique vu à l'abdomen sans préparation. Aussi, le scanner qui va localiser le niveau de l'occlusion. Aussi, qui va suspecter l'étiologie, c'est-à-dire la cause, en visualisant une tumeur maligne ou bénigne. Aussi, on peut faire l'échographie abdominale qui va montrer un épanchement abondant liquidien. Aussi, une lithiase biliaire ou bien rénale ou bien toute autre pathologie pelvienne. La chirurgie est faite selon les causes de la maladie. Mais docteur Namagadze précise qu'avant tout, le traitement est centré beaucoup plus dans la correction des troubles hydroélectrolytiques. On peut d'abord essayer de corriger les désordres hydroélectrolytiques. On peut aussi corriger les troubles ioniques en fonction des résultats de l'ionogramme. On peut poser une sonde nasogastrique pour essayer de soulager les douleurs. On peut aussi corriger les insuffisances viscérales liées aux pertes de liquide. Aussi, surveiller la diurèse, c'est cette quantité d'urine. Aussi, on peut donner des antalgiques, on peut donner des antibiotiques pour les patients qui ont des signes d'infection, surtout pour les occlusions fébriles ou quand il y a une nécrose intestinale. Lors des étiologies, des causes, on a dit des tumeurs, on a dit des adhérences. Si c'est l'une de ces causes, là, la chirurgie est vraiment nécessaire pour essayer d'enlever l'obstacle. Dépister et traiter à temps les tumeurs, c'est l'un des moyens de se prévenir contre l'occlusion intestinale. La prévention est un peu difficile parce que, comme on l'a dit, il y a des causes liées aux tumeurs et dans la majeure partie des cas, on sait que les tumeurs sont favorisées par le tabagisme ou bien l'alcoolisme. Si on essaie de diminuer la fréquence de fumer ou bien de prendre de l'alcool, peut-être qu'on peut essayer de prévenir la venue de ces tumeurs. Aussi, les patients ayant récemment subi une intervention chirurgicale intéressant l'abdomen doivent quitter le lit le plus précocement possible pour prévenir des occlusions sur adhérence. Aussi, se faire dépister des tumeurs intra-abdominales, ça aussi pourrait essayer de prévenir les occlusions intestinales. L'occlusion intestinale est curable ou incurable, dépendamment du stade de la maladie. Merci à Ornella Mucho et au docteur. Revenons sur certaines informations. Eh bien, je vous l'avais annoncé en titre, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, met en garde les administrateurs communaux quant à la collecte des taxes communales. Il s'est exprimé dimanche 28 février en commune Buraza de la province de Gitega lors de la célébration de la victoire du parti au pouvoir lors des élections de l'année passée. Suivez-le, traduit en français par Aubin Niyonkuru. Icho nafashe ko umugambi nuko amahera yose mutanga mu matagisi n'amakori. J'ai pris une décision d'utiliser tout l'argent en provenance des taxes et impôts dans la construction des routes. Personne ne le volera. Je vous ai dit qu'il y a de mauvais dirigeants. Récemment, nous avons fait une sorte d'évaluation relative à la gestion du trésor public par les communes et c'est ridicule de réaliser que l'argent en provenance des taxes et impôts payés par le citoyen soit détourné avant qu'il entre dans les caisses communales. Alors, je profite de cette occasion pour mettre en garde les gouverneurs et les administrateurs. Désormais, quand nous viendrons vérifier et que les recettes perçues soient supérieures à celles perçues auparavant, que cet administrateur démissionne avant qu'il ne soit destitué. Pourquoi effectuer un autre trajet pour aller vérifier? Alors, que l'administrateur soit vigilant. Récemment, nous avons accordé au gouverneur des conseillers chargés du développement. Quand nous viendrons dans une telle commune pour percevoir des impôts et taxes et que les recettes soient supérieures comparativement au temps passé, alors que le conseiller chargé du développement ne l'aurait pas signalé, il sera coupable. Il faut que ces conseillers provinciaux ayant en charge le développement se présentent dans toutes les communes pour percevoir les impôts et taxes. Et s'ils ne savent pas comment le faire, nous viendrons leur montrer comment faire. Mais ceux-là ne seront plus dans leurs fonctions et seront remplacés par ceux qui en sont capables. C'est très déplorable de percevoir 30 millions de frambous là où on percevait 5 millions. Imaginez-vous une commune qui percevrait chaque semaine 30 millions de frambous. dans une année, on aurait réalisé combien de projets? Est-ce que celui-là mérite de rester administrateur? Alors, j'interpelle tous les administrateurs de se rendre sur terrain pour faire la vérification des recettes perçues via les impôts et taxes. Et s'ils attendent celles du ministère de l'Intérieur et que les recettes augmentent, c'est l'administrateur qui aurait détourné ses fonds. Je vous conseille de veiller sur votre trésor public et traduire devant la justice ceux qui commettront les vols. Il ne reste que ça. Le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Aubin Niyonkuru, en page éducation. Je vous l'avais annoncé en agent des examens à l'Université International University of Equator, dénonce ce qu'il appelle le trafic des points sur cette institution universitaire. Et Mérine Daïzé dit avoir ipso facto démissionné à ses fonctions, expliquant qu'il a soumis cette question aux autorités de cette université, mais en vain. Malgré qu'il a à maintes reprises été contacté par la radio Isanganiro pour réaction, Isaac Maragia, représentant légal de cet établissement universitaire, ne s'est pas encore exprimé. Le point avec Eline Bell Nibikira. Le commerce des points ou trafic des points a commencé depuis. Tout a commencé au mois de juin de l'année dernière, 2020, témoigne cet agent d'examen à l'Université International University of Equator. Et Mirinda Yidzeye affirme que les enquêtes ont prouvé ces cas de tricherie et les auteurs ont été retrouvés. À cette époque, il s'agissait de 6 étudiants dont la note a été modifiée. Le commerce de points ou trafic de points a commencé depuis le mois de juin 2020. Durant ce temps, il y avait 6 étudiants qui avaient acheté les points à un certain qui ne travaille plus à l'université. Le mois de juin, on l'a appelé, le recteur de l'université l'a appelé et a avoué le fait de changer les points des étudiants contre argent et il a demandé pardon, il a dit qu'il ne fera plus ce travail. Pire encore, regrette Mérinda Yidzeye, c'est que l'auteur de cette tricherie, même s'il ne travaillait plus à cette institution universitaire, il continuait à accéder au serveur de points pour les modifier, toujours à cause de l'argent. Cette fois-ci, il était surpris par des étudiants qui réclamait d'être inscrit sur la liste des candidats diplômés alors qu'il ne le mérite pas, ce qui l'a poussé à déposer le tablier, poursuit-il. Maintenant, il ne travaille plus à l'Université de l'Équateur, mais il est capable de changer tout dans la base de données de l'université. Depuis décembre 2020 et janvier 2021, il y a un autre cas de 5 étudiants dont changer les points. Nous avons peur parce que nous travaillons dans le bureau d'examen, mais il y a quelqu'un qui est capable de changer tous les points que j'enregistre dans la base de données, alors que cette personne n'est plus à l'université. Si je reste là, ça risque de me causer des problèmes. Cet agent d'examen à l'Université International University of Equator demande l'intervention du ministère en charge de l'éducation afin que les coupables soient punis ou pour donner d'autres orientations. Malgré qu'il a été contacté à maintes reprises, Isaac Maragia, représentant légal de l'Université International University of Equator, n'a pas réagi. Pour la dernière fois, il nous a fixé des rendez-vous qui n'ont pas été respectés. Parallèlement, d'autres responsables rencontrés à cette université concluent que personne n'a le droit de s'exprimer sur cette situation si ce n'est pas le représentant légal. Eline Bell Nibigira, voilà, 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore, des imperfections dans certains éléments sonores lors de cette édition. Mais quand même, merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine Akizimana qui en a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.